Siehst du die Wüste denn? Hörst du das Klirren der Scheiben? Dort passiert die Macht. Skinny, Skinny ist der Schlachtruf, den man überall hört. Heute wird noch was passieren. Schmeiß die Marone der Nacht. Siehst du den Schweineflitzen? Dann weißt du, wir sind da. Siehst du ihre Bonzen schwitzen? Mit Spaß regiert die Nacht. Die Wüste und ihre Arbeit. Die Stimmung ist enorm. Ein Tag in uns auf Action. Halt in der guten Form. Zeig ihnen, du bist ein Skinhead. Hey, zeig ihnen, du bist ein. Zeig ihnen, dass wir Sonnenkrieg haben. Denn wir sind die Macht. Siehst du die Boots, wenn alles zittert? Zu jeder Zeit zum Kampf bereit, halt. Skinny ist der Schlachtruf, den man überall hört. Heute wird noch was passieren. Schwarz ist nicht warum in der Nacht. Warum nicht Spaß? Besten anderen KDF. Dass wir vom Humpen sind, Aliyalo. Das weiß ein jedes Kind, Aliyalo. Wir reißen Bäume aus, Aliyalo. Wo keine sind, Aliyalo. Zusammen, Aliyalo, weil wir vom Humpen sind, Aliyalo, das weiß ein jedes Kind, Aliyalo. Mana, mana, bibibibibi, mana, mana, bibibibibi, mana, mana, bibibibibibi, mana, mana, na, na, na, na, na, mana, na, na, na, na, na, na, mana, na, na, na, mana, mana, bibibibibi, mana, mana, bibibibibi, mana, mana, bibibibibi. No, no, mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. All right. Oi, oi! Enfant, un beau garçon de 14 ans, venait de commencer son apprentissage et les deux petites filles, dont la moins jeune se préparait à la première communion, allaient à l'école des sœurs. Don't 0842. I've been crying all day, and I'm making no headway. Operator, what's wrong? I got a stupid number all day long. Operator, send your number's been disconnected. C'était d'humbles gens d'une candeur extrême qui voulaient devenir des saints. Ladies and gentlemen, Devo. We'll be right back. Tous ceux qui, comme nous, ont connu Raoul de Trécœur dans sa première jeunesse, le croyaient destiné à une grande renommée. Il avait reçu des dons très remarquables. Il reste de lui deux ou trois esquisses et quelques centaines de vers qui promettaient un maître. Mais il était fort riche et avait été fort mal élevé. Il tourna vite au dilettantisme. Parfaitement étranger, comme la plupart des hommes de sa génération, au sentiment du devoir, il se laissa emporter à toute guide par ses instincts, qui étaient, heureusement pour les autres, plus vifs que malfaisants. I'm ready. in his place. The crew has had enough of you, you've done it. When you see us coming, you better start running. Running, running, running, running, running, running. Wrestling, you were gunning. We'll find you at the record store, find you at the show. Wrap a chain around your neck and beat you to the flow. Find you at the pizza shop, find you at the pub. Miss you in the face and make you eat a Billy Club. Find you at your local church, find you at your mom. Grab you by your head and drag you out of fucking arms. Drag you to the fucking curb, stop you to a stain. From now on, when you see us, all you'll ever know is pain. Get the fix, say, man. You're on the shit list. Get the fix, say, man. You're on the shit list. Tous ensemble, on va bien se marrer, on sera tous ensemble. Tous ensemble, on va se défouler. Aussi le plaignait-on généralement quand il mourut en pleine jeunesse pour avoir aimé sans discrétion tout ce qui lui était agréable. Le pauvre garçon, disait-on, n'avait fait de mal qu'à lui, ce qui d'ailleurs n'était pas exact. bit sleep and I yawn. Have you gone? See the pictures in narration frames where they belong. Leave the bed sheets unclean, but they will be up here still. Cover me in the dark. So please leave the imagery. I can twist it. Steve, I think your singing was a little flat that time. Barry, why don't you play an A for Steve? You got that, Steve? Fuck this shit. What's got into him? He can't take criticism. Well, great, there goes the bait. I can do it. Trecker avait épousé à 25 ans sa cousine Clodhilde André de Père, honnête et gracieuse personne qui n'avait d'une mondaine que les élégances. Madame de Trecker avait vécu avec son mari dans une région de tempête malsaine où elle se sentait dépaysée et comme dégradée. Shut up! Il la tourmentait de ses remords presque autant que de ses fautes. Il la regardait avec raison comme un ange et pleurait à ses pieds quand il l'avait trahie, se désespérant d'être indigne d'elle, d'être victime de son tempérament et d'avoir vu le jour dans un siècle sans croyance. Let's go! Il menaça un jour de se tuer dans le boudoir de sa femme si elle ne lui pardonnait. Elle lui pardonna, naturellement. Toute cette partie dramatique troublait Clodhilde dans sa vie résignée. Elle lui préférait un malheur plus tranquille et sans phrase. So ceaselessly. Sensation that he was the vending machine.